Assemblage requis est une présentation du service aux étudiants de l'UQTR. Le plan d'aujourd'hui, assemblage requis. La chronique littéraire de Marie-Pierre Laforge-Bourret. Et on parle de l'AGE avec Anne-Julie Durocher. Êtes-vous fort à l'émission? Yeah! Assemblage requis commence maintenant. Bonjour et bienvenue à Assemblage requis en ce mardi 10 janvier 2012. Moi, c'est Mathieu Plante. Et moi, François-Olivier. Et oui, c'est vrai, on a du nouveau aujourd'hui, enfin. Hein, c'est rare qu'on a du nouveau à l'émission, c'est vrai. Oui, longtemps. Une nouvelle personne. Oui, une nouvelle personnalité publique. Oui. À chaler comme ça, toutes les semaines. On va l'écœurer. C'est ça. Elle l'aura pas facile. Avec François, c'est rarement facile pour les filles, je te dirais. Eh non. Voyons donc. Donc, Anne-Julie Durocher de l'AGE QTR qui va venir nous parler un petit peu de qu'est-ce que l'AGE, si je comprends bien. Oui, à quoi ça sert, qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce que ça mange en hiver. Oui. Bien des questions par rapport à tout ça à lui poser. Exactement. Et puis dans les semaines à venir, elle va être là, c'est une chroniqueuse, donc à chaque semaine. Oui, c'est ça, exactement. On va parler des activités à venir aussi. Là. Voilà. C'est à 8h. Parce qu'avant ça, à 7h30, on déménage Stéphanie un petit peu vers le recul. Là, on va lui souhaiter bonne année. Ben, je suis sûr que toi, ça va être un bonne année sans aucun sarcasme et des intentions venant du cœur. Je lui souhaite que le meilleur. Tu vois déjà, le sarcasme commence. Donc, Stéphanie Gagné à 7h30. Hey, arrête, je la déteste pas, là. Ben non. Voyons donc. Ça, tu l'as pas bien, mais c'est vrai. Hey. Je blague. À 8h30, en toute fin d'émission, on aura Marie-Pierre Laforge-Bourret avec sa chronique littéraire. Comme toujours, elle nous parlait d'un livre avec des chiffres de page dans le coin. En bas, des fois sur le côté. Est-ce qu'il y a un titre, ce livre-là? Ah, je sais pas. On sait pas encore. Ben, ça pourrait être original, un livre pas de titre. Hein? Je sais pas si ça existe ça déjà. Ça pourrait être mêlant, tu sais. C'est comme le livre pas de titre. Oui, ouais, tout à fait. Ou des noms de commerce qui portent juste le nom de qu'est-ce que c'est, comme un restaurant qui s'appellerait Le Restaurant, tu sais, mettons. Ou une émission de radio qui s'appellerait Une émission de radio. Oh. Ça a déjà existé. Oh. Assez fou. C'était une très bonne idée, je trouvais. Vraiment. Ou un nom de chanson qui s'appelle Sans titre. Sans titre. Ouais. On pourrait continuer longtemps comme ça. Hein? Ou Piste 1 comme Galaxy. Oui. Excellente affaire. Ça, c'est comme si on allait l'écouter tantôt. Mettons. Lâche-toi à joue. Lâche-toi à joue. C'était comme de la subtilité que je me gratte la joue. C'est comme, quand tu touches le nez. T'as raison. Donc, on va commencer, non, avec un petit peu de Bon Hiver. Et la pièce Calgary pour commencer ça mollo ce matin. Hein? Comme dirait André Robitaille. Oh, vas-y mollo. Vas-y mollo. T'as bien compris. Watatata, François. Je vois pas là-dedans, lui. Non, je sais. Don't you cherish me to sleep? Oh, never keep your eyes closed. Hold me for the bars and clubs. I was only for the father's crib. To buy a room. wake up to the star but bright, who goes in and stays inside. All the demons come, they can't subside. Back! Hey, ça fait Mathieu Plante. François-Louis Marchand. Assieds-toi. Déjà assis. Ok, parfait. Ça fait des années que j'avais le goût d'entendre cette pièce-là. Mais j'ai entendu, ça vient d'où ça? Je sais pas. Non. Je sais pas d'où ça vient. Je sais pas d'où ça vient. Et c'est très bon. Et Pinback, c'est quand même relax comme ça, là, pas mal les autres pièces. Là. Écoute, je suis pas un grand connaisseur de Pinback non plus. Là. Mais wow, je me suis levé un matin et je me suis dit Pinback. Je sais pas pourquoi. Bon. Ouais. Mais okay. on a fait jouer. Comme une femme enceinte. On a réussi à la trouver. Oui. Ouais. Sans les cornichons. Ouais, OK. Une femme enceinte. Parce que ça a envie de manger des choses bizarres, t'as envie d'écouter des choses bizarres. Ben, c'était pas bizarre. Non, c'était bon, mais genre moins connu. OK. Que ce qu'on fait jouer d'habitude. Okay. Tu sais? Ouais. Comme manger des cornichons. Mm. C'est bon. C'est bon, mais c'est moins connu. C'est ça. Surtout le matin. C'est ça. C'est underground, comme nous. Underground. Non, dans Jersey Shore, la fille, le Snooki. Snooki. Es-tu belle, hein? Donc, elle boit un pot de cornichon à même le pot. À bois. Ah, à bois le jus. Elle laisse les cornichons là. C'est ça. Ouais. Elle est formidable. Snooki. Non, mais c'est toutes des belles personnes. Oui, oui, ben vraiment, c'est des. Mike, the situation. Il y a une situation dans son. Oh. C'est toi qui m'as appris ça. Mais c'est pour vrai. Je savais pas pourquoi. C'est même pas une blague. C'est formidable. Si c'était une blague, ce serait drôle, par contre. Parce que c'est vraiment ridicule de saper la situation pour ça. À cause de ses abdominaux, il y a une situation dans son corps. Il y a quelqu'un. Oui. Il y a quelqu'un. Hey, j'en reviens pas qu'on parle de Jersey Shore. Je sais pas pourquoi, en fait, d'où c'est parti. Mais bon. Changeons de sujet. Bon. OK? OK. On est prêts? On se lave, on se gargarise un petit peu. CNX. C'est le bulletin de Nouvelle Geek pour ce mardi 10 janvier 2012. 2012! C'est bizarre, elle a moins. Non, tu l'as eu. C'est mon introduction. Ouais, non, t'es dans bonne année. Tu voulais. Ah, tu pensais que j'allais dire 2011, hein? Non, ouais. Moi, je drop dans le beat, là. Commençons en Arabie Saoudite, où un père met son fils en vente sur Facebook. Est-ce que vous n'avez pas encore entendu parler de la nouvelle? Ça a lieu hier soir. Donc, un père a trouvé une source de financement inusité pour sortir de la pauvreté. Il a mis son propre fils en vente en ligne pour la somme de 73 millions de dirhams, soit environ 20 millions de dollars américains. Saoud bin Nasser al-Sari dit n'avoir d'autre choix pour assurer une vie décente à sa mère et sa sœur plutôt que de les contraindre à vivre dans la pauvreté. L'entrepreneur a connu dernièrement des difficultés financières lorsque les autorités ont déclaré illégale son entreprise de perception et de médiation qui assistait les emprunteurs face à leurs créanciers. Il a alors fait appel au ministère du Travail saoudien pour un soutien financier qui lui a été refusé. Le département d'État américain publie chaque année un rapport sur les pays qui soutiennent le trafic de personnes. L'Arabie saoudite n'y fait pas bonne figure. On y cite des cas d'hommes et de femmes contraints au travail forcé et parfois, et parfois à la prostitution. L'Arabie saoudite condamne le trafic d'enfants. On considère cet événement comme un coup de publicité sans fondement. En attendant, la seule condition demandée par le père pour la vente est d'être informé dans quelle ville réside l'acheteur et d'y être prêt à se rendre en justice pour faire reconnaître la procédure de vente comme étant valide. Ben oui. Coup de publicité, vraiment. T'es un fou! Ouais. Parlons d'un autre fou, mais pas le même genre de fou. C'est un genre de fou qui pourrait facilement causer des morts. Vous allez voir, une amende de 2378 $ pour avoir texté au volant à 90 km/h. Tu as entendu parler de la nouvelle? Non. Non. Donc, ça se passe à Gatineau. Un homme de 24 ans devra payer une facture salée de plus de 2300 $ parce qu'il envoyait des messages textes tout en conduisant. La police a intercepté l'automobiliste sur la route 307 peu avant 23h en Outaouais vendredi, en train de dépasser dangereusement les autres véhicules. Dans leur manœuvre, les policiers ont dû s'accoler à la voiture et se mettre au niveau de sa portière pour signaler au conducteur qu'il devait se ranger sur le côté. Voyons donc. Ils sont alors rendus compte que le chauffeur envoyait des messages textes avec son téléphone en roulant à plus de 90 km/h. Le jeune homme a 90 km/h, c'est pas si rapide non plus. Là. Non, mais c'est pas mal presque la vitesse que t'es supposé aller sur l'autoroute. Mais 307, souvent, je sais pas. Tu vas plus vite que ça, c'est Mais quand même, est-ce que non. C'est discutable. 2378 $ et 13 points. Ça, c'est exorbitant. Oui, ça, c'est très exorbitant. Mais en même temps, si tu donnes une petite facture, il va juste continuer à le faire. D'après moi, c'est plus parce qu'il doit avoir d'autres accusations. Si la police a été obligée de se coller à côté, dérange-toi. Ouais. C'est plusieurs choses en même temps. Mais on sentait que le gars, c'est pas un gars très, très, très intelligent. Mettons. C'est pas le plus rapide du monde. C'est bon. À 90 km/h. Non, c'est ça. Il va se faire dépasser par là. Allons-y avec des nouvelles de téléphone cellulaire, oui, c'est ça, qui reconnaît les émotions. Un prototype du nouveau Samsung Galaxy S2 développé par l'équipe de Samsung Advanced Institute of Technology en Corée du Sud pourrait reconnaître les émotions de son utilisateur. En analysant la vitesse de frappe, si le téléphone est secoué, le nombre d'erreurs effacées et la quantité de caractères spéciaux et d'émoticônes utilisés, l'appareil pourrait distinguer la colère, la surprise, la joie, la tristesse ou le dégoût avec une précision de 67,5%. Le téléphone pourra ainsi intégrer des symboles correspondant à l'émotion du microblog dans Twitter, proposer un dessin animé à son utilisateur triste ou utiliser différentes sonneries selon l'émotion du moment. Hey, tu parles de choses utiles, toi. Je cite, les possibilités sont immenses. Selon Osoubli, responsable du développement de l'appareil, si nous connaissons l'émotion de chaque utilisateur, nous pouvons offrir des services très personnalisés. Hey, ça me rappelle, tu pourrais offrir de la publicité ciblée aussi, peut-être, hein? Ouais. Ça va-tu par là, tu penses? Ouais. Oh, la personne se sent grosse, on va y mettre des pubs de Weight Watchers. Hein, ouais. Ça s'en va par là-bas. L'appareil qui sera dévoilé lors du CES, ce sera pas lors du CES, ce sera le Consumer Communications and Networking Conference la semaine prochaine, toujours à Las Vegas. CCNS? Le NAMBLA. NAMBLA. Intégrera la technologie Android. Le marché des produits capables de reconnaître des émotions humaines est en pleine expansion avec, selon Rosalind Picard, fondatrice et directrice de la MIT's Effective Computing Research Group et cofondatrice de Affectiva. Savoir quand le client est intéressé ou ennuyé, stressé, confus ou ravi est une étape essentielle pour traiter les clients avec respect. C'est ça. J'aime pas bien ça. Je trouve ça bizarre, inutile, ben ouais, ça a aucun sens, sérieusement. Mais c'est sûr que c'est juste pour les publicités. Là. Ils ont beau dire que pour rendre ça plus sympathique. Là. Ouh, ton téléphone va être smart avec toi. J'ai pas besoin de mon téléphone pour être smart avec moi, pas besoin d'un ami téléphone. T'sais. Non, c'est ça, c'est ça. Arrêtez de penser que c'est vivant. Là. C'est qui ton meilleur ami? Ben, c'est Android. Mais hey, il me souhaite bonne fête. Ouais. Ou c'est Siri de chez Apple qui sait où je m'en vais souper à soir. Ah, regarde. Non, pas ça, pas. Siri. Siri, c'est le truc de reconnaissance vocale sur l'iPhone. Oh. 5, 4 S. Appelez Mathieu Plante, bureau. Oui. Ça fonctionne bien, par exemple. Ben, apparemment. Tu l'as passé? Là, j'ai pas d'iPhone 4 S, tu te fous, toi? Non, mais même sur 3GS, je l'ai. Ouais, mais t'as un 3GS, j'ai un 3G, moi. Mais ça maintenant? Non. Moi, je suis dans l'arriéré là, depuis deux ans. Là. Excuse-moi. Je te considérais au même piédestal que moi. Non, je suis clairement bien en dessous de toi. Bon. Est-ce que tu te considérais une couch potato? Une patate de divan, tu sais, genre un gars paresseux dans son divan, qui regarde la TV, zap, zap, zap, zap. Non, mais quand je le fais, je le fais bien. Ben, c'est ça, on fait pas les choses à moitié. Non. À la demi. Mais tu sais, je suis quand même actif. Je joue au hockey, l'été, je joue à balle molle. Écoute, c'est pas des sports non plus. À tout casser, là. Pour avoir des sports, hein. Mais tu sais, au moins, ça me force à me lever. En effet, tu fais bien. Je fais le contraire. Mais bon. La couch potato pill. Oui, découverte en 2008 par les chercheurs du Salk Institute près de San Diego pourrait prévenir les coups de chaleur selon une étude publiée dans l'édition du 8 janvier de Nature Medicine. Oh, ça a l'air de trouver ça crazy. Ben. Le coup de chaleur dans ton divan, là? Dans ton divan, c'est ça. Ben oui. Donc, le ICAR permettrait de ressentir les effets bénéfiques de l'activité physique tout en restant complètement immobile. Hey. Ben oui. Une équipe de l'Université de Rochester vient de découvrir qu'elle préviendrait l'hyperthermie, souvent très dangereuse, voire mortelle chez certains athlètes, travailleurs saisonniers, soldats ou chez les personnes âgées. Je cite. De nombreux cas d'AVC, là, les arrêts cardiovasculaires, c'est ça. Sont liés à la chaleur. Ben oui, mais il faut que tu fasses quelque chose, pas dans ton divan. Ben, prends une pilule, c'est faire quelque chose, tu bouges le bras. Une étude du American Journal of Preventive Medicine démontre le doublement des cas d'hyperthermie mortelle de 1997 à 2006. Je cite encore, notre étude est une première étape importante dans l'élaboration de traitements futurs contre l'hyperthermie. L'équipe de Dirksen a été influencée par une étude du Dr. Ronald M. Evans, un expert dans le domaine de la recherche d'hormones, publiée dans le journal scientifique Cell en 2008, qui démontrait que le médicament ralentit la fatigue musculaire et augmente son endurance. ICAR fonctionne en activant l'enzyme AMPK qui influence directement la fonction de RYR1, une protéine qui joue un rôle essentiel dans la contraction musculaire. Lors des essais cliniques, les souris soumises à 4 semaines de médication sans aucune autre forme d'exercice ont augmenté leur endurance de 44% sur un tapis roulant. Mais ils sont mortes après 2 semaines. Le médicament est actuellement testé pour le traitement de certaines maladies musculaires et des troubles métaboliques pour lesquels l'exercice est reconnu comme bénéfique. Pendant les vacances des fêtes, François, t'as pas essayé ça. Non, ben non. Voyons, non. C'est bouger mon bras, tu fous. Hey. À la télé, je me suis mis à écouter là, sur la chaîne TLC là, des émissions là, sur des extrêmes grosses personnes morbidement obèses. Ce qu'ils appellent super morbidement obèses. Il y en a qui, une fois qu'ils meurent, il faut qu'ils défoncent. Ben, même avant de mourir pour avoir une chirurgie gastrique bypass, là, le gars de 1100 livres, il a fallu qu'il détruise le mur au complet puis qu'il tasse les laveuses sécheuses, je te jure. Hey. C'est tellement beau comme émission, mais c'est... Wow! Tu sais, 1100 livres, là. Tu sais, c'est parce que... À un moment donné, tu sais là, que le point de non-retour... Souvent, quelqu'un a peut-être fait un accident, puis il est pogné pour rester au lit pendant 2-3 semaines, puis ça empire pendant ce temps-là. Je peux comprendre. Mais, tu sais, à 1100 livres, je m'excuse, mais... Tu te lèves pas, là. Non, mais tu te lèves pas. Puis le gars a essayé de se lever une fois rendu à l'hôpital alors qu'il avait enlevé comme des centaines de livres dans ses cuisses, OK? Des centaines de livres dans ses cuisses. Quand il se levait son bas du dos, il avait trop mal, il fallait qu'il se recouche. Mais c'est sûr. C'est sûr. Ton corps est pas habitué, là. Non, c'est ça. Un peu comme ça. Puis pour avoir la chirurgie gastrique bypass, il fallait qu'il descende genre en bas de 600 livres, là. Ça a été un méchant défi. Puis là, t'as un entraîneur qui vient juste lever des poids, là. C'est sûr, le gars qui est dans son lit, il fait. Mais il faut qu'il parte de zéro. Oui, complètement ça. Ah, mon Dieu! Ça n'a aucun rapport avec le sujet, mais c'était à peu près ça. Parlons du CES un petit peu. J'ai cherché ce matin des nouvelles du CES. Il y en a des tonnes et c'est des nouvelles les moins intéressantes du monde là, parce que vraiment, on parle de j'ai parlé hier de réfrigérateurs tactiles. Ouais, ouais. Who cares, OK? Qui font ta liste des petits. C'est ça. De différentes télés OLED, 55 pouces, 85 pouces. C'est super, là. C'est parfait, là, mais je trouve ça pas intéressant à en parler. Mais bref, allez voir sur branchezvous.com si vous voulez voir des photos de ces choses-là, parce que j'avoue que visuellement, ça peut être plus intéressant que juste parler d'une TV. On s'en sacre un petit peu. Mais donc, la grande foire électronique qui a lieu à Las Vegas en ce moment même. Cette année, la plupart des analystes s'attendent à ce que les Ultrabooks, c'est les ordinateurs minusculement portables, petits, légers et puissants, à ce qu'ils volent la vedette, à cause du MacBook Air, entre autres. Les tablettes et les télévisions connectées sont aussi de la fête. Là, on parle de télévisions qui vont sur Internet. Un paquet d'affaires. Les télévisions qui vont sur Internet, ça existe depuis les années 90. Bon, okay? Ça existe. Oui. Ça n'a jamais, jamais, jamais fonctionné. Non? Jamais. Microsoft a sorti des boîtes qu'on branchait sur la TV. Il n'y a rien qui a marché. Peut-être que là... Ben, tu peux aller sur YouTube. Tu peux aller... Ben, c'est ça. Maintenant que YouTube existe, peut-être que ça pourrait changer les choses un petit peu avec Netflix, ces trucs-là. Donc, ça pourrait devenir une grosse affaire. Mais moi, un de mes chums a une grosse TV, puis on y va, là. Ouais. On va voir des affaires. Je sais pas comment est-ce qu'il est connecté. Je pense que c'est Wi-Fi, là. Je sais pas quoi, il y a une clé USB. Ben, c'est ça. Faut qu'il y ait Wi-Fi, parce que s'il faut que je branche ma TV sur un fil, mon modem est en haut, j'irai pas passer un fil dans le plafond. C'est sûr, non. Donc, non, des trucs comme ça, des avancées comme ça, ça peut être intéressant, mais bon. Bref, donc les télés connectées. Sinon, les automobiles qui font de plus en plus partie du CES, plusieurs concepteurs profitent de l'événement pour démontrer comment leur tableau de bord branché permet aux conducteurs d'utiliser des applications pour contrôler ce qui se passe dans et autour de leur véhicule. On peut s'attendre aussi à voir de nombreuses fonctionnalités de sécurité émerger et à ce que les constructeurs vantent leurs modèles éco-énergétiques. Ça, c'est selon branché. Moi, j'ai de la misère avec ça, par exemple. Dans le sens où si t'es interdit de texter, c'est parce que tu veux la concentration en avant. Ouais. Là, si t'amènes un paquet de bébelles... Exactement, je suis tout à fait d'accord avec ça. Ça devient un peu... Ben pour vrai, tu sais, j'en ai parlé souvent, mais tu sais, ils interdisent le téléphone cellulaire à parler, mais le main libre est tout aussi dérangeant et déconcentrant parce que la personne au bout du fil sait pas ce qui se passe dans l'auto, donc il peut pas réagir en même temps que toi. Et puis, si tu laisses les gens texter, tu les laisses aussi manger un burger puis fumer une cigarette dans l'autre main avec une bâtante. Puis... Non, mais c'est ça, mais ça, tu peux. Ben, tu peux, mais... Tu peux manger. Ben oui, ben, c'est ça, mais c'est aussi déconcentrant. Tu peux lire. Tu peux lire un journal, si tu veux, si tu es cuisse, mais non. C'est fou, là. Tu pourras pas t'arrêter. Non, en tout cas, ben, il me semble. Peut-être que tu pourrais t'arrêter si t'as vraiment... Si ben, je sais pas. Je suis sûr que c'était le journal comme ça, là. C'est bon. Mais en même temps, en tout cas... Marc. Je sais pas, le main libre, est-ce que ça fonctionne bien? Je sais pas. Ben, la technologie fonctionne bien. Fonctionne bien, mais tu sais, s'il s'agit que ça fonctionne plus ou moins bien, t'es là à pitonner puis tu te concentres là-dessus, ouais. Là, tu sais, t'es fini dans l'autre. Là. C'est ça. Exactement. Il y a des bugs dans le que ça. Tu sais, quand t'es en train de sacrer sur ton téléphone qui arrête de marcher ou ton oreillette Bluetooth qui veut plus pogner le signal, ouais, il s'arrête plus, puis tu regardes plus la route, tu fonces dans le. Ça, j'ai essayé les oreillettes. Ah, j'ai. Et puis enlevez-la, rendu à l'épicerie ici. Bon. Parlons de LG maintenant qui est toujours au CES, promet de refroidir canettes et bouteilles en quelques minutes. Je me suis dit, m'en parler des affaires qui sont intéressantes. Donc, à Las Vegas, le groupe coréen LG a assuré qu'il était en mesure de résoudre une frustration du monde moderne, là, l'impossibilité jusqu'à présent de rafraîchir une boisson tiède en moins de 40 minutes. Quoi? Pardon? Impossible de refroidir une boisson tiède en moins de 40 minutes? Tu mets pas ça dans le congélateur pendant 5 minutes puis c'est déjà froid? Ben, tu peux, mais oui. Pas mal ça que je fais. Donc, je sais, imaginez que vous n'ayez qu'une canette de soda tiède. A expliqué le directeur général de LG aux États-Unis, sur le ton de la catastrophe, nous dit-on. Cela prend 40 minutes même au congélateur pour la refroidir. Hey, je sais pas quelle sorte de congélateur, le gars. Là. Là, on parle pas d'une grosse, grosse canette, mais encore là, 10-15 minutes, c'est froid, ça. De toute façon, tu vois la SAQ, là. Tu sais, il y a des gros bacs d'eau, là. Ouais. Tu mets ta bouteille de vin blendé, là. Tu mets de la glace là-dedans, puis go. Ah non, mais ça refroidit vite, là. Ouais. Mais la fonction Blast Chiller, le refroidissement éclair, on prend la peine de nous préciser dans l'article. Du nouveau réfrigérateur de LG ramène ce délai à moins de 5 minutes avec une technique de soufflerie et de rotation parfait pour une bière froide lors d'une chaude après-midi d'été. Une chaude? Je pense que c'était un chaude après-midi. Intervenant à sa suite lors d'une conférence de presse à l'occasion du grand salon d'électronique grand public à Las Vegas, Ellis Mass, responsable de l'électroménager du groupe, a précisé qu'il fallait 5 minutes à ce nouveau réfrigérateur pour refroidir une canette et 8 minutes pour deux canettes ou une bouteille. C'est le moment de faire venir vos amis. Wow! Je suis tout ému de lire ça, non? C'est fou, hein? Ridicule. Tant qu'à ça, mettez donc une petite montagne qui devient de la bonne couleur quand c'est frette, hein? Parce que je peux pas juste toucher la galette, hein? Non. Un Québécois qui fait du bruit à Las Vegas maintenant avec Sonomax. Très bon produit. J'en ai juste entendu parler. Je ne l'ai pas vécu moi-même, mais j'ai vu des gens s'en servir. Ça a l'air vraiment bien. Les fabricants québécois, donc, qui se font rares au Consumer Electronics Show, selon l'article de la presse.ca, mais Il y en a un qui compte faire du bruit cette année. Sonomax en est à la deuxième génération de son casque d'écoute inter-auriculaire EARS, E-E-R-S, à moulage instantané. Ils veulent devenir la référence mondiale dans le créneau. Donc, le casque d'écoute EARS est livré en deux versions. Le modèle plus huppé a droit à une meilleure sonorisation. Sinon, le concept est le même. Voici c'est quoi le concept. C'est qu'on enfile le casque d'écoute pour une première fois avec un dispositif de moulage. Et cinq minutes plus tard, on obtient un casque portatif conçu expressément pour tes oreilles à toi. Okay. Avoue que l'idée est fantastique. Ouais, parce que les écouteurs, ça tombe tout le temps, ça ne tient pas, tu changes les mousses. On adore l'idée. Donc, un gel de base, à base de silicone moulé sur mesure assure une insonorisation idéale et permet de produire un son de très bonne qualité dans les circonstances. Le système est si efficace qu'il a reçu un prix Innovation 2012 du CES pour son design et sa conception, raflant la première place dans le créneau des casques d'écoute. Le fabricant a mis sur une mise en marché imposante et espère vendre 300 000 exemplaires de son nouveau produit d'ici la fin de l'année. Ça, c'est le minimum. L'industrie manufacturière québécoise pourrait se réjouir si ça fonctionne. Les composants électroniques du casque sont assemblés en Chine, mais le système de moulage breveté à Montréal est fait au Canada. Aussi, yes, Sonomax présentera son casque aux détaillants intéressés à le vendre au grand public, mais le dispositif sera aussi présenté à d'autres fabricants qui peuvent l'intégrer à leurs propres produits. Outre ces deux casques, le fabricant québécois compte aussi en mettre en marché une version sans fil Bluetooth. Imagine, t'as un Bluetooth dans l'oreille, mais dans l'oreille, hein? Dedans. À la fin de ton oreille. Non, je trouve ça vraiment fascinant. Et aux États-Unis, pour terminer, l'Electronic Privacy Information Center, le EPIC. EPIC. Tout le monde dit ça maintenant. Ben oui, EPIC Fair. Ben il dit ça depuis comme 4-5 ans aux États-Unis. Là, au Québec, j'imagine qu'on a commencé à l'entendre récemment. Là, c'est EPIC, ça, là, c'est ça? Ouais. Super. Donc, ça a envoyé un courrier à la Federal Trade Commission, l'acronyme un petit peu moins intéressant, FTC, pour demander à l'organisme d'enquêter sur une possible violation de la vie privée liée à la nouvelle timeline de Facebook qui fait remonter des informations jusque-là enfouies dans le compte d'utilisateur. Est-ce que tu as reçu la nouvelle version timeline de ta page? Non. Pas encore. Je sais pas comment ça fait que des fois, ça prend autant de temps pour une nouvelle mise à jour, mais bon. Je pense que pour vrai, quand Facebook a changé l'interface la dernière fois avant ça, sur certains de nos ordinateurs à la maison, là, ça fait comme si j'en avais 12, là, sur un des deux ordinateurs à la maison, ça a pris sérieusement 4-5 mois avant qu'elle l'ait. Enfin, ma copine, maintenant. Comment ça, Facebook? Hey, pince le piton, regarde là! Donc, avec la timeline, Facebook a encore une fois pris le contrôle de données utilisateurs et rend les informations jusque-là passées et inaccessibles, largement disponibles sans le consentement du membre. L'organisme soupçonne que les nouvelles pratiques de Facebook enfreignent la politique de la vie privée, pourtant si ardemment défendue ces derniers mois par le réseau social. Une lettre ouverte qui intervient quelques semaines après la médiatisation de l'accord à long terme passé entre Facebook et la FTC. Le réseau social a en effet consenti à faire l'objet d'audits réguliers de la part de la Federal Trade Commission. C'est tous les 2 ans, pendant 20 ans. À la suite de cet accord, Mark Zuckerberg a déclaré vouloir rendre les pratiques de Facebook plus transparentes et a commencé à par détailler les méthodes du site en matière de publicité. Mais de toute évidence, ça n'a pas suffi à calmer les chiens de garde de la vie privée. Le courrier de l'EPIC évoque par exemple la nouvelle rubrique « Santé et bien-être » qui encourage les utilisateurs à dévoiler leurs antécédents médicaux. Pourquoi tu déclarerais volontairement tes antécédents médicaux sur Facebook? Écoute, parce qu'il y en a qui veulent toujours en mettre plus. Oui, c'est ça. Vous êtes un livre ouvert, hein? Une pratique jugée délicate et trouble pour l'organisme qui précise que Facebook a déjà collaboré avec des sociétés pharmaceutiques pour des campagnes publicitaires. Puis j'ai ajouté ici un « de ». C'est sûr que si t'ajoutes une affaire médicale, ils vont vendre des médicaments sur Facebook. Là. Ouais. Une fois encore, la question de la publicité ciblée est au centre des interrogations et l'EPIC. On devrait avoir un effet sonore à chaque fois qu'on utilise ce mot-là. EPIC. Estime qu'en piochant dans d'anciennes publications, tout en encourageant les membres du site à donner de nouvelles informations, Facebook aura de quoi étayer ses partenariats publicitaires. Wow, c'est comme une nouvelle théorie, là, cela. Tu penses vraiment que Facebook pense pas juste à l'utilisateur? Eh ben. Reste à savoir si la FTC sera réceptive aux soupçons de l'EPIC, qui finalement a oublié un élément important dans le processus qui est l'utilisateur lui-même. C'est à peu près ce que je suis en train de dire, effectivement. Non, mais on s'en fout l'utilisateur pour Facebook, là. C'est pas ça l'important. Si ça peut s'adonner à faire plaisir au monde, tant mieux, mais c'est pas le but premier, c'est clair. Non, c'est non. C'est pas de même qu'il a fait ses millions, Mark Zuckerberg, là. Non. On n'a pas écouté de chiptune hier, donc on va en écouter un petit peu aujourd'hui. Ah. Hein, je sais. Mais par contre, pour te faire plaisir, je me suis dit, je vais choisir une chanson que je crois que t'aimes. Oh. C'est tu la devineras, on l'écoute. Okay. Ça devrait être pas mal facile. Simple. Ouais, assez facile, je te dis. Hein. Ça part quand ça veut, ça fait. Quand, n'importe quand, tu sais. Ben, n'importe quand. Hey! Non. Faudrait pas que ça plante, parce que c'est comme en plus le numéro 1 sur Elbit Collective et tout le monde capote et c'est super bon. Bon, ben, c'est plate, on va passer à la suivante. On va écouter à la place, ben, je m'excuse, c'était un remix de Daft Punk par Daft Punk. Oh. Voici Panda Star par Boopsy. On devrait pouvoir écouter ça dans les prochains instants. Ou pas. Ou pas. Bon, ben, c'est super. Donc, on va aller en pub, puis on va revenir après avec plus d'assemblage requis. Qu'est-ce que t'en penses, François? Oui! Tu te sauves du chiptune? Non, on va essayer Daft Punk, ça m'intéresse. Ouais, ben, on va essayer, si non? On rien peut à faire. Ben, pas là, mais après la pause, peut-être. Donc, vous êtes assemblage requis jusqu'à 9h. Assemblage requis pour toi aujourd'hui. Vous êtes assez fou pour l'écouter. 89.1 Assemblage requis est une présentation du service aux étudiants de l'UQTR. François Olivier, Mathieu Plante. Assemblage requis en pièces détachées. Toujours à Assemblage requis et tout à l'heure, on était en train d'écouter. En fait, on pourrait même dire qu'on a raté notre coup. Oui. C'est... Mais donc, comme je disais, hein, reprenons la phrase ici. Mm-hmm. On va aller entendre du chiptune, François. Yeah, Daft Punk. Oui, Daft Punk. Je savais, je voulais te faire plaisir un petit peu. J'aime ça, Daft Punk. Ben, c'est bon, Daft Punk. C'est bon le matin aussi, ça te motive. Pour vrai? À rien faire. Non, couch vrai. Potato. Prends ta petite pilule hey, musculaire. C'est toi, ça. C'est moi, ça. Tu me complimentes, demain. Daft Punk par Benjetta, version 8-bit dans Scénic. Ça semble à jouer. T'es pas longue? Non, c'est ça, Daft Punk, version 8-bit par Benjetta. Et comme on disait, hors ongle, là, j'aime beaucoup mieux Daft Punk que Round the World. Ouais. Les deux sont très similaires. Ça ressemble étrangement à ça, à peu près à ça. Mais c'est bon aussi. Moi, j'aime pas ça. Les deux. Mais comme il disait sur Wikipédia, Around the World, la phrase est dite 144 fois dans la version album c'est et pas mal, hein, 80 fois dans la version radio. Tu sais, quand même. Combien dans la version radio? 80. 80. La moitié, mais non, je trouve que c'est beaucoup trop. Moi, la musique qui se répète, ça va, mais les paroles qui se répètent, juste pas capable. Alors, on va écouter une autre petite pièce rapide avant de revenir avec Stéphanie Gagné et sa chronique Ton père favori dans quelques secondes. Pour l'instant, on écoute Tokyo Police Club et voici Favorite Color au 89.1 FM. C'est la Radio Campus de Trois-Rivières. The day that your brother started to talk was the day that I found you like that. The national child star in a coat and a scarf along the laundromat. Now we got the keys to an apartment we share, and we stay up as late as we like. Ok, Police Club et Favorite Color, Assemblage Requis sur l'album Champ. Champ, c'est très bon. Oui, c'est très bon. Ce qui est bon aussi, c'est Stéphanie Gagné. Oh ouais? Stéphanie, elle se fait un bout qu'on ne sait pas parler. Ouais, on va lui faire jouer son intro avant. Ben oui. Ben oui. Je faisais juste l'appeler pour qu'elle se prépare. Ok, c'est ça. C'est pour ça. D'accord. C'est ton plat favori. Je pense que François, t'es content qu'il y ait une version plus longue de l'intro. Ah, il a pas s'étouffer, hein, ça va? Non, mais j'ai éternué. Je suis comme allergique à Stéphanie Gagné. Ah, ben c'est normal, hein. Stéphanie, salut. Allô? Hey, salut, Steph. Bonne année. Bonne année. Bonne année. Moi, je le pense, moi, quand je te dis bonne année, par contre. Arrête d'être méchant. François, il parle contre toi depuis le début de l'émission. Il avait hâte de pouvoir te blasser. Qu'est-ce que je t'ai dit? Je vais aller, c'est aussi. Ça? Ouais, c'est ça. Donc, Stéphanie qui est de retour du congé des fêtes, plus de bonheur qu'à l'habitude. On va te retrouver toutes les semaines à 7h30, dorénavant environ. Hein? Environ. Yes. Oui. Et aujourd'hui, tu nous parles de quoi? Aujourd'hui, j'ai deux séries télé pour vous autres que j'ai découvertes, plus ou moins découvertes, mettons, durant les vacances. OK. La première série télé, vous la connaissez sûrement, c'est une quand même vieille série télé que j'écoutais quand j'étais jeune, mais j'ai décidé de la réécouter. C'est Freaks and Geeks. Ah, ben oui, une série qui n'a pas duré très, très longtemps. Non, c'est ça. Ça a été à NBC l'année 99 à 2000, donc seulement un an. Mm-hmm. Mais ça se situe en 1980. Dans le fond, c'est une émission pour ados, comédie et drame. Là. Ça tourne autour de Lindsay et son frère Sam. Lindsay, qui était une étudiante modèle avant, puis qui commence à se tenir avec les rebelles de son école. Et son petit frère, qui est un intello, qui a un faible pour une meneuse de claques, puis qui se fait tout le temps harceler par des plus vieux. Puis c'est ça, comme tu disais, c'est seulement une saison, il y a 18 épisodes, mais malgré le fait qu'il y a juste eu une saison, c'est vraiment devenu une émission culte. Ouais. Tout le monde connaît cette émission-là. Tout à fait. Et c'est vraiment hyper bon. Puis il y a plusieurs acteurs quand même connus. Il y a Jason Segel, qu'on connaît de How I Met Your Mother, évidemment. Et du cinéma aussi, yeah. C'est ancien. Des Muppets, entre autres. Oui, aussi. Ben, c'est vrai. Il y a James Franco, il y a Seth Rogen. Il y en a d'autres qu'on connaît un peu moins, mais il y a Sam Levine, qu'on reconnaît de plusieurs films. Et John Francis Daly, qui fait le petit frère et qui joue dans Bones. Puis il y a beaucoup d'acteurs qui semblent avoir gardé contact après l'émission. Il y a quatre acteurs principaux qui se sont retrouvés dans l'émission Undeclared. Une autre émission qui n'a pas duré longtemps, mais qui est dans le même genre. Oui, exactement, mais version collège, dans le fond. Mm-hmm. Il y a plusieurs acteurs qui se sont aussi trouvés dans les films Walk Hard, dans Knocked Up et Superbad. Plusieurs films dont Seth Rogen a écrit le film. Aussi, plusieurs acteurs qui se sont retrouvés dans l'émission How I Met Your Mother. Et c'est ça, donc très, très, très bonne émission. On peut toujours trouver le coffret DVD, mais c'est quand même assez dur et quand même assez dispendieux. C'est ça, mais ça, il s'achète bien plus sur Internet que dans les grandes chaînes de magasins. Je te dirais, ces coffrets-là, sur Amazon, tu vas les trouver pour vraiment pas cher. Hein. Quand même. Ouais, c'est ça. Dans les chaînes, c'est pas mal plus cher et... Ouais. Pas mal plus dur à commander parce qu'il faut attendre plusieurs semaines pour l'avoir. Ouais. Mais c'est bien de voir des séries comme ça qui n'ont pas duré longtemps se retrouver sur DVD et des très bons DVD. On parle de DVD avec des bonus, des commentaires, des bloopers, des scènes effacées, un paquet de choses comme ça. Alors que des séries qui durent une saison d'habitude, ça passe complètement pas à l'histoire et ça devient genre oublié. Introuvable, c'est ça, ouais. Oublié. Alors que ces deux-là sont vraiment. Faut que ce soit culte pour qu'il y ait eu des DVD comme ça. Donc. Ouais, voilà, mais ça a pris du temps avant qu'ils le fassent en DVD parce que dans l'émission, il y a beaucoup de musique très... Chère. C'est ça, très chère. Du Rush, du Styx, Billy Joel. La chanson thème de Freaks and Geeks, c'est quoi, par Joan Jett, je pense? Ouais, exactement. Mm. Alors, Give a Damn par My Bad Reputation. Et voilà. Très bon, ça. Voilà, fait que ça a tellement pris de temps parce que ça coûtait trop cher. Donc, je pense qu'ils ont seulement sorti en 2006, quelque chose comme ça. mais avec toute la musique originale, parce qu'ils voulaient pas sortir la série en enlevant la musique, comme plusieurs séries font, malheureusement. Exactement, malheureusement, en effet. Mais c'est ce qui est bien, tu sais, le coffret coûte plus cher, mais il est destiné vraiment à un public qui va acheter la série parce que la série est bonne et non pas... C'est pas un achat, là, de, dans un magasin, en crime, il y a une face de gars connu, ouais, moi, c'est ça, tu sais. Ouais, c'est ça, c'est vraiment pour les fans, là, c'est bien. Ouais, c'est ça. C'est pas ça. Comme, je vais voir si j'aime ça. Non, c'est pour ceux qui savent déjà qu'ils ont adoré ça. Là. Et voilà, et voilà. Très, très bien. Les bonus ont l'air assez intéressants. Moi, je suis une maniaque de bonus. J'ai écoute tout le temps. Moi aussi. Donc, je vais me commander ça. On se comprend bien, Steph. Fait que ça, c'était pour ma première série télé. Pour ma deuxième, aussi une très courte série télé. C'est « How to make it in America ». Ça a été sur HBO en 2010. Il y a seulement 2 saisons de 8 épisodes chaque. Et chaque épisode, c'est seulement 28 minutes. Alors, ça passe vraiment vite quand on l'écoute. L'autre jour, j'ai commencé à l'écouter, puis j'ai écouté 4 épisodes de suite. On s'entend un petit 2 heures, ça passait quand même vite. Dans le fond, c'est l'émission suit 2 amis qui essaient de se faire un nom dans le monde de la mode à New York. Il n'y a pas beaucoup d'acteurs connus, mais le personnage principal, c'est joué par un acteur que j'aime beaucoup, c'est Brian Greenberg. Et ce que j'aime de l'émission, c'est vraiment le look. Pour commencer, c'est vraiment filmé à New York, ce qui est rarement le cas dans les émissions qui se passent à New York. Et c'est hyper artistique. Souvent, entre les scènes, on voit une série de photos qui représentent New York, un peu comme un diaporama vraiment rapide. Puis, faut juste voir le thème d'ouverture de l'émission pour voir le style d'émission. C'est particulier, c'est très new-yorkais, super artistique, créatif. C'est hyper beau. Ouais, j'ai vu, c'est la première chose que j'ai vue de la série, c'était ça, parce que je la connais pas, puis je suis content que tu m'en parles pour me donner envie de l'écouter. Là, mais non, l'intro et la bande-annonce donnaient pas mal envie aussi, donc vraiment, bon choix, ça aussi. Ouais, c'est ça. Malgré le fait que c'est une émission qui semble un peu à petit budget puis qui n'est pas hyper connu, c'est vraiment hyper bien filmé, hyper bien produit. Ça donne vraiment une bonne émission. Mais malheureusement, je ne comprends absolument pas pourquoi, mais en décembre 2011, ils ont décidé de canceller l'émission. Donc, il y a seulement les 16 épisodes. C'est dommage, mais au moins, ça s'écoute vite. Ouais, c'est ça. C'est triste parce que c'est vraiment une bonne émission. Ouais. Malheureux. Et voilà. En passant, pour ceux qui veulent l'écouter en français, ça joue à Super Écran. Ça a commencé au mois d'août. Je ne sais pas si c'est encore en onde en ce moment, mais au mois d'août, ça jouait à Super Écran. Ça s'appelle en français, évidemment, Comment réussir en Amérique. Hein? Mais faut tellement l'écouter en anglais. Ben oui, mais c'est sûr. C'est toujours mieux en anglais. Faut toujours conseiller l'anglais aux gens. Et si vous écoutez la télé en français, sachez que vous manquez bien des affaires. T'sais? Ah, c'est clair. Ben, c'est comme ça. On n'essaie pas de vous juger ou rien, là. C'est juste la réalité de la chose. En français, vous êtes habitué à quelque chose de mauvais. Désolé, mais ça me manque. Hein? Non, mais c'est dit, là. C'est comme ça. Ah, c'est vrai. Bon. Je suis complètement d'accord. T'as une pièce musicale à nous faire entendre aussi, Stéphanie? Oui, la pièce que j'ai choisie, dans le fond, c'est la pièce de l'introduction de How to Make It in America. Je ne sais pas comment il prononce son nom. C'est Hello Brack, quelque chose comme ça. OK. Et la pièce, c'est I Need a Dollar. Pièce, pas le genre de musique que j'écoute habituellement, mais chanson vraiment entraînante, puis elle m'est un peu rentrée dans la tête cette semaine, vu qu'on l'entend à chaque début d'émission, voilà. ça met vraiment, ça donne le ton à l'émission. Parfait, on va l'entendre ça dans quelques secondes. Le temps de prendre juste un petit peu de nouvelles pour les gens qui suivent tes aventures. Est-ce que l'école est recommencée? Est-ce que les choses vont bien à Gatineau? Oui, l'école est recommencée hier matin et je m'en vais en cours tout à l'heure à 10h pour un petit cours de 5h. Hein. Ah oui. Ben, c'est pour ça d'ailleurs qu'on a reculé ta chronique à 7h30 pour accommoder ton horaire d'hiver de transport, oui, c'est je pense. Ça. C'est ça, parce que mettons que l'hiver, je dois partir un petit peu plus tôt, il faut que je déneige mon auto. Ouais. Et on dirait que l'hiver, personne ne sait conduire. Et vu que j'ai un petit 45 minutes d'auto à faire... Mais ben, tabarouette quand même! Wow, je savais pas ça. Je pensais que tu restais à côté, moi. Ben, avec le trafic, non. C'est un peu comme essayer de traverser... Ben, c'est pas aussi pire, là, mais c'est comme essayer de traverser de la Rive-Sud à Montréal. Ah, quand même. Quand même. C'est du trafic. Ouais. Mais en tout cas, bonne chance, bonne session, et puis bonne année. Merci. Oui. Je vais essayer de venir vous voir peut-être dans ma semaine de relâche. Alors, elle peut dire ça, puis se faire des promesses, puis elle vient jamais. J'aimerais bien ça venir en vrai, là. Ouais. Ben, on va t'attendre. La porte tu viens quand tu veux. Ben oui. Donc, on va entendre, comme tu disais, Aloe, Aloe Black, avec I Need a Dollar. Merci, Steph. Bye-bye. À la semaine prochaine. Mathieu, lâche ton micro. Ben voyons donc. C'était Allo Black avec I Need a Dollar sur Assemblage Rocky. C'était évidemment le choix de Stéphanie Gagné dans sa chronique Ton plat favori. Merci Steph. Merci. Nous, c'est la fin de la première heure. On se retrouve tantôt avec deux choses en fin d'émission. Marie-Pierre Laforge-Bourret qui n'est pas une chose. Enfin, non, je viens de comprendre que je viens de dire deux choses. Alors Marie-Pierre et sa chronique littéraire vers les 8h30. Et au retour de la pause, Anne-Julie Durocher va nous parler de logis. Oui. Ça s'en vient. Restez là. Vous êtes assez fou pour l'écouter. 89.1. Deuxième heure d'Assemblage Requis en ce mardi 10 janvier. Moi, c'est Mathieu Plante. Moi, François Olivier. Oui, François Olivier, Mathieu Plante, le duo là, que tout le monde connaît. Là, le singe et. Le singe, ouais, je me fais traiter de singe ce matin. Merci, Anne-Julie. Elle nous a amené des beaux petits muffins. Et donc, ben fine, cette Anne-Julie. Ça va bien? Ben oui. Ben oui, des muffins. Oh, wow. François, il y a un singe dessus. Moi, c'était un. Ouais. Parce que tu me connais moins, je peux comprendre. Ouais. Je veux que vous me réinvitiez, moi, fait que... Ben, écoute, je suis pas certain. Hey! Un singe. Il fait avec amour. Ah, OK. Oh, wow. Hey, c'est toi qui as fait des moustaches hein, pour le show, c'était avec... Non, c'est pas moi. C'était pas toi? Je pensais que c'était Jasmine. Oui, Jasmine, mais je pensais Jasmine et toi, non? C'est juste... C'était Ariane aussi. Ariane. C'est Ariane Cassette. D'accord. J'étais à l'école avec Ariane. Hey, c'est une belle tranche de vie, ça. Ouais. Pour toi. On la salue. Salut, Ariane. Autre chose à partager sur ta vie? Non, ça va bien. Donc, on va parler de la GEQTR avec Anne-Julie. Voici une petite intro poche. Oh! On a 15 secondes de ça. Ah bah what? C'est poche, hein? Donc bonjour Anne-Julie, ça va? Oui! Salut, salut! Anne-Julie qui est VP au socio-culturel. Oui, c'est en plein ça. À l'AGEQTR. Mm-hmm. Et tu viens nous parler ce matin un peu de l'AGEQTR. On sait, écoute, on a déjà entendu le nom là, quand même, qu'on est étudiant ou pas. On sait qu'il y a un AGEQTR. Mais c'est quoi l'AGEQTR? L'AGE est composée de 9 officiers. Ben, en fait, c'est le conseil exécutif. Ça, eux autres sont élus. Oui, on a été élus, dans le fond, en mars dernier. Ouais, t'as été élu, en fait. Ouais. Ben, et les 8 autres, là. Ouais. Mais surtout, c'était. Voilà. Les gens t'ont surtout choisi toi, les autres, c'était comme bon aussi. Ouais, c'est ça. Moi, j'étais contre la chaise, fait que c'était pas dur. Les autres, c'est plus un addon. Fait que bref, le conseil exécutif, on est 9 officiers. Il y a aussi 3 employés permanents à la GE. Il y a François Landry, Janine Héroux, puis Stéphane. François Landry qui lui, s'occupe, en fait, de... Attaché politique. C'est attaché en plein politique. Ça. C'est notre attaché politique. Janine, qui est... La directrice administrative. OK. Puis Stéphane Morancy, qui est le gérant des bars. OK. On sait que lui quitte... Oui, c'est ça. On est en processus pour lui trouver un remplaçant. OK, formidable. Donc ça, c'est les 3 employés permanents. Oui. Qui sont rémunérés. Et puis, ça, là, vous avez dit, je vais vous voyer. Quand même, hein? Je pense qu'on peut aller au-dessus. OK, parfait. Mais ça, vous êtes 9, en fait, élus. Mais comment ça fonctionne? Je sais qu'il y a un CA aussi. Oui, c'est ça. Dans le fond, nous autres, on est... les décisions sont prises... Par vous autres. On peut amener des décisions en CA, okay. Mais tout repose sur le CA. Dans le fond, le CA doit approuver nos décisions puis nous proposer. On ne peut pas aller à l'encontre du conseil d'administration. Puis au-dessus de ça, il y a l'Assemblée générale qu'on fait tout annuel. On a l'annuel au mois de septembre habituellement. Puis on en a souvent une spéciale. Oui, c'est ça, une spéciale à la session d'hiver. OK. Et puis, c'est ça, le CA est composé de qui et de quoi? On a la présidence, Hugo Maillot de Couture. On a le CA vraiment. Là, ah, le CA. Pas le conseil exécutif. Okay. Le CA, c'est en fond un administrateur par association. OK. Mais, donc, vous êtes beaucoup, là? Oui, je pense qu'on peut être jusqu'à 34, quelque chose comme ça. Ouais, administrateur. Plus. Puis, c'est sûr, les étudiants peuvent venir assister. Là, tous les étudiants ont le droit d'être observateurs au conseil d'administration. Et ça se déroule où? Ça se déroule un dimanche par mois, okay, dans un local de l'université. Puis, local qui est connu quand même d'avance. Oui, c'est ça. C'est, ce qui n'est pas connu, c'est l'heure de fin de la réunion, je pense. Oui, c'est en plein ça. Donc, des fois, ça peut s'étendre jusqu'au 10 heures du matin. Prendre des décisions avec 34 personnes, mais ça ne peut pas être facile. C'est énorme. Non, c'est ça. Ouais. Mais je pense qu'on n'a jamais atteint le 34 encore, okay, mais on a quand même un bon taux de participation cette année des administrateurs. On est quand même plutôt satisfait. Ça peut varier, mettons, en combien de personnes? Ça dépend de la période de l'année. L'été, c'est vraiment plus dur d'avoir du monde. Ouais, okay. Mais ça varie. Mais les administrateurs, cette année, sont quand même plutôt assidus. Et puis, vous, est-ce que vous avez le droit, vous, je parle au conseil exécutif, est-ce que vous avez le droit de voter lors du conseil d'administration ou vous faites juste des recommandations pour que les décisions soient votées par eux autres? Chaque officier est à la base administrateur. OK, donc vous avez le droit de vote. Oui, comme on a le droit de vote en Assemblée générale, on est à la base des étudiants, donc on a... On a okay, le droit de dire. OK. Ah, c'est cool, ça. Et puis, OK. Et puis, le GE, en fait, ça sert à quoi pour... les étudiants, par exemple, je suis étudiant, moi. Ils disent pourquoi je paye pour la GE. Qu'est-ce que j'ai comme service? Qu'est-ce que ça m'offre? Mais c'est ça, nous autres, on est là pour soutenir les étudiants, que ce soit au niveau académique, dans leurs projets, dans leurs activités. en fait, n'importe quoi qu'ils veulent faire, autant sur le campus qu'à l'extérieur, on est là pour leur proposer des références ou quelque chose comme ça, mais on offre aussi différents services. Là. Okay. On a les assurances, on a... OK, oui, les assurances dentaires. C'est ça. Toutes les assurances collectives, c'est l'AGE. On a aussi bon la chasse-galerie, le 10-12, qui est pour les étudiants puis administré par les étudiants. Donc, okay. Nous autres, on s'occupe un peu de gérer tout ça. Là. Exemple, un étudiant, je sais pas, en Kiro, voudrait faire un party de financement pour, je sais pas, une activité ou quoi que ce soit. Ça se fait, là. Oui, ça se fait sans problème. Là. Il va juste venir nous voir, réserver la date, c'est sûr que... Diane, Julie, moi, j'aimerais ça... Ils peuvent venir me voir ou voir Stéphane. Là. On gère ça pas mal ensemble. Là. Stéphane tient le gros calendrier de toutes les activités qui ont lieu, mais il n'y a aucun problème là, pour les étudiants de venir nous voir. Parfait, formidable. Et puis, c'est ça, est-ce qu'il y a d'autres choses que vous faites pour les étudiants? Tu sais, quand tu dis soutenir, ça peut ressembler à quoi, mettons? Ça peut être au niveau académique, ils ont un problème, ils se demandent quand est-ce qu'ils sont censés avoir les résultats scolaires. Là. Je sais que c'est comme la grosse question présentement. C'est quand, ouais? On se la pose souvent, ouais, la question. Moi, j'ai pas eu ma note, là. Ouais. Je pense qu'ils ont jusqu'à comme mi-janvier, là. J'ai vraiment pas la date exacte. C'est pas cette semaine, je pense que c'est la semaine prochaine. OK. Mais, fait que là, c'est normal, là, j'ai rien reçu. Ouais, non, c'est ça. Moi aussi, je te comprends. Ouais. J'ai hâte. Il manque une note. C'est poche, hein? Ouais. Tu sais, tu commences la session, t'as pas toutes tes notes. Je sais pas si tu passes pas. Dépêchez-vous, tu sais. On a comme hâte. Ah ouais. Mais okay. C'est ça. Puis, y a un prof que tu trouves super bon ou un prof que t'as plus de difficultés. On a les deux vice-présidents aux affaires académiques, là. Premier cycle, deuxième cycle. Ils sont là, ça peut être justement là, des projets, des activités. Mais attends un peu, tu dis un prof que je trouve super bon ou un prof que j'aime moins que... Pour faire une plainte ou... Ouais, c'est ça, ça peut être pour faire une plainte. Là. OK, c'est directement à vous qu'on s'adresse? Mais c'est pas à nous que tu fais ta plainte. Mais là. Tu te réfères par eux okay. À d'autres personnes. On va t'aider dans ton processus, okay. Dans le fond, on va être là pour t'aider. OK. À cheminer dans tout ça, là, parce que c'est beaucoup de paperasse et de personnes à rencontrer, fait que des fois, c'est plus dur. Ouais. Vous êtes comme des médecins généralistes, là? C'est ça le terme? Omnipraticiens, c'est ça, gens qui vont te référer à un docteur. Ouais, si on veut, ça peut être la comparaison. Analogie bobo, mais quand même dans un certain domaine, ouais. Si on a toute notre branche. D'accord. Okay. Formidable. Et puis, fantastique. Et puis, le jeu, je sais que, évidemment, quand on gravite un peu autour de ça, on sait qu'il donne des bourses. Oui. C'est des bourses, en fait, qui s'adressent expressément aux étudiants parce que vous êtes là pour eux autres. Mais ça peut toucher, mettons, c'est quoi, des bourses d'excellence? C'est des bourses d'implication? En termes de bourses, ça va être des bourses d'implication. Surtout, là, on a notre gala des bourses au mois de mars. Puis, mais aussi, on va aider dans des projets autant académiques que sociaux pour les assos où on va soutenir les journaux étudiants. Donc, ça, il n'y a aucun problème. Là. Ils ont juste à remplir les formulaires, puis on les remet une fois par session. On regarde les candidatures, puis on remet ça. OK. Ils ont juste à venir faire une demande. Fantastique. Et puis, on sait que le GE, en fait, organise beaucoup d'activités. Mm-hmm. Est-ce qu'on peut en avoir une couple d'exemples? Je sais que tu as amené une feuille. Hey, fais attention à mon singe. Son muffin est là. Il ne faudrait pas que tu le manganes, il est tellement beau. Ben oui. Il est tout moelleux. Oui. Je vais y goûter après. J'espère. Ben oui, mais c'est sûr. Ouais, c'est ça, les activités. Qu'est-ce que vous avez fait un peu cette année, là, jusqu'à maintenant? Et après ça, mettons, qu'est-ce qu'on peut s'attendre pour la session hiver 2012? Pour ce qui est de l'automne, notre plus gros événement, ça a été définitivement le parti de la rentrée avec Radio-Radio puis la JCAV. Fait que ça a été... Un gros spectacle. Oui, assez demandant à organiser, mais très, très contente de la réussite que ça a été, là. Avant ça, je pense que c'est vous autres aussi qui vous occupez des agendas. Oui, oui, on s'occupe. C'est vous autres qui les vendez aussi. Oui. Et puis, ça, en fait, là, c'est ça pour les gens en fait, là, qui commenceraient la session hiver 2012. Est-ce que sont encore disponibles? Oui, ils sont encore disponibles. Ils ont juste à aller au 2218 Albert Tessier. Devant la cafétéria, ça? C'est en plein, ça. Okay. C'est le kiosque de la GE. Là, on peut s'en procurer encore. Oui, okay. Oui, c'est 4$, puis ils sont encore là. Sinon, passer au bureau de la GE, on en a quand même quelques-uns. Là. Ouais, moi, faudra reparler plus tard de la différenciation entre le bureau et le kiosque, mais peut-être dans une autre chronique. Oh, oui, la semaine prochaine, ça pourrait être. Oui, ouais, parce que le monde a de la misère à... Pourquoi il y a un kiosque si tu peux aller au bureau? Pourquoi il y a un bureau si tu peux aller au kiosque? Et pourquoi? Ouais, c'est une bonne idée. Ah, Mathieu Plante. Moi, je suis là pour aider. Puis, c'est ça. Donc, on a les agendas, mais ils sont encore disponibles pour ceux qui commencent ou qui l'auraient perdu, ce qui peut arriver des fois. C'est plat. Même si c'est assez gros, mais... Mais cette année, il est plus petit format. J'aime le nouveau format. Ouais, il est beau. Ouais, avec les onglets et tout ça, c'est... Bien fait. C'est bien. Bien réussi. Ouais. Bon, on est tous d'accord. Je pense que c'est unanime. Puis c'est ça. Fait qu'on a eu les agendas, bon, le party de la rentrée. On a aussi nos différentes soirées qu'on a faites à la session d'automne qui se poursuivent à la session d'hiver. Donc, on a eu la soirée de la poésie et art visuel. On a eu la soirée de la musique qui a vraiment marché, la soirée de la musique. Oui, c'était bien. C'était très bien. Oui, mais c'était en collaboration avec la radio. Là, puis oui. Ça... Je pense que ça a été un succès, fait qu'on le recommence pour la session d'hiver. Yeah! Ça va peut-être être une formule différente, mais on recommence ça à l'hiver, au mois de février. Puis, on a aussi d'autres soirées. On va avoir une soirée de l'humour, puis une soirée dansante. Oh! Qui est le nom, mais on ne fait pas de la danse en ligne. Non? Ben, si vous voulez faire de la danse en ligne, vous pouvez. Là, c'est mais... quoi? Ça m'intrigue, on dirait. C'est ben, des numéros de danse. OK, des numéros de danse. Oui, okay. Il y a plein de monde qui prennent hey, mais faire le robot, c'est cool. Mais tu pourrais venir. Mais je suis pas capable. J'aimerais vraiment ça. Ben, je suis capable de faire un move, mais tu sais. Fais-tu le moonwalk, marcher en vert, Michael Jackson? Ah, deux moves, mettons, avec okay. Ça. Mais il faudrait encore beaucoup de pratique, puis des pantoufles. Mais je pense que ça pourrait être comme notre prochain défi. Tu viens de faire un numéro de danse. Ouais, on sait que les défis dans votre équipe, vous, ça marche vraiment non, très bien. L'affaire de moustache et de pas se raser les jambes, ou je sais pas quoi, c'est là. Ça. Ils se sont donné un défi, ça n'a pas marché dessus. Hein? Ben, c'est faux que. C'est pas de ma faute, là. Mais pas ça sur ma faute, je sais très bien que tes jambes n'auraient pas été rasées. Bon. Ah, qui sait? T'as abandonné avant. Il y a un autre Movember dans un an. Dans un an, peut-être. Ouais. Peut-être un concours de danse, ok. Pas... Concours de danse. Oh, ok. Oh, ça n'a pas l'air ça. Eh, c'est pas, faudrait mais moi, je pense que ça a comme été dit pratiquement radio. Ben, ça a été dit à radio, mais pratiquement. Ben, pratiquement, que... oui. Pratiquement que t'allais le faire. Mais toi, t'es-tu bonne ou? Non. Tu fais du non? Non. Tu fais du robot? Ben, alors, je pourrais essayer. Ouais, on préfère le miroir. Ouais, un tandem robot robotique. On a envie des belles affaires assez fou, là, à matin. Wow. Oui. Wow. Okay. On s'en reparle. Ouais. Après le morphine en forme de singe. C'est bon, on inventera une chorégraphie. Ouais, ok. C'est bon. Hey, la GIA, c'est plein de choses. C'est hein. Quand ça? C'est. Attends que je regarde ça dans mes millions d'activités. Dis pas la semaine prochaine. Ah, la date est à confirmer. Ah, ok. On a le date. Repousse ça. C'est la seule activité que la date n'est pas confirmée encore. Formidable. Mais sinon, on peut s'attendre à quoi d'autre? Ben, il va y avoir question pour un champion, qui est un peu cool. Un génie en herbe. Okay. On reprend ça de l'année dernière. Il y a tous nos mercredis 10-12 une fois par mois. On a pour la Saint-Valentin, donc le 15 février, L'amour c'est tellement 1980. Mm. Donc, on veut vous voir habillé en couleur fluo, les cheveux crêpés. C'est cool, et amusez-vous. Après ça, on a le 14 mars, on boit avec les loups. On veut voir avec des chandails de loup. Ah, des chandails de loup. Ah, super. Ouais. Et juste ironiquement dans ce cas-ci. Oui, mais il y en a encore. Oui, ben il y en a encore. Flan bandeau. C'est même pas ironique quand il en achète. Ouais. C'est vraiment en mode. Ouais. Là. Ouais, mais moi, j'aimerais ça en avoir un. Oui. Mais j'en ai un avec un panda déjà. OK, déjà un bon début. Prochaine étape, le loup. Il faut une couverte aussi sur ton lit. Oui, oui. Mais ça, je l'ai déjà. Ça, c'est. Mais elle tient chaud l'hiver. OK, ouais. Confortable, j'aime ça. Avec un loup? Ben oui, il y a un loup dessus. Il devrait faire des snuggies avec un loup. Ah, oui. Non, mais pour vrai. On pourrait proposer. Ouais. Ouais. Ils ont déjà des léopards. C'est ça. Notre affaire à lettre, en tout cas. Ouais. Bon. Puis notre autre mercredi 10-12, c'est le 11 avril, c'est la Florida. Donc, on se prépare pour l'été. On se met en short. Ouais. On va espérer qu'il fasse pas froid. Bikini. On pas va bikini? Rester dans le... En soi, s'il te plaît, ton bikini, garde-le pour chez vous. Hein. J'irai beau. Ben, tu pourrais venir en bikini, ça pourrait être un autre défi. J'aime ça. Alors, arrête de me lancer des défis. Là. De toute façon, je sais que t'es fait pas, fait que... Oh! Oh! Hey, puis toi... Eh hey boy. Mais que c'est pas mal. Je te regarde plus. Hey. T'as-tu fini? Ouais, mais on a notre gros party de fin d'année. Hey, animé. Ouais, ça, qu'est-ce qu'il va avoir? Oh. C'est des surprises. Ouais, c'est des surprises. Mais on veut la primeur. C'est fou. Okay. Ben, ça va venir plus tard. Ouais, non, mais premier, non, c'est ça. Mais vous voulez des primeurs? Ouais, okay. on veut des primeurs. C'est fou. OK. Assemblage Rick. T'es dans la place, là, fait que c'est, tu sais, fais tout pour nous. Hein? OK. Des muffins et ensuite d'autres choses. Des scoops. Ouais, des scoops. OK, parfait. C'est noté. Ouais. Puis la grosse affaire, c'est sûr, de la session d'hiver, ben, c'est la campagne électorale. Oui. Oui, ça commence quand, ça? Officiellement, le... Au début, mois de mars? Ben, la mise en candidature, c'est du 27 février au 13 mars. OK, OK. Donc, le monde va venir chercher leurs feuilles au bureau de la GE. C'est tout le temps stressant, ça. C'est très, très, très stressant. C'est le moment où tu dors le moins, que tu manges le moins. Et que tu essaies d'être le plus présent sur les activités. Ouais. Tu serres les mains, embrasser les bébés. Ouais, c'est ça, on fait ça. Flatter des chats. Puis, flatter des chats. Ouais. Cool. Anthony, qui avait sa photo l'année passée sur ses affiches, flatter un chat. C'était une reprise de Stephen Harper. Ouais. C'était pas original. Oh, les pins, toi, là. Mais non. Puis, c'est ça. Puis après ça, ben, le début de la campagne électorale, c'est le 19 mars. Puis le dévoilement. Parfait. Est-ce que tu te représentes? Est-ce que des gens, est-ce qu'on le sait pas encore? Il y a on le bonheur. Sait pas encore. C'est des surprises. Je pourrais vous donner des scoops. Ah, on veut si des j'en scoops. Sais, là, par exemple. Oh, je peux pas dévoiler rien non. De personne. Non. On reste dans le. On est correct. Oui. Bon. C'est une campagne électorale, ben, quand même. Ouais, ouais. Je trouve ça correct. Cool. Hey, mais l'année passée, d'ailleurs, on t'avait reçu, je pense que c'était la première personne, je l'avais appelée Anjolie. Anjolie! Oh, quel lapsus incroyable! Ouais. Hein? Ben oui! J'étais gêné, sérieux, je te connaissais pas, j'étais... OK! Et gars, où ça vous a mené, là, vous allez... on va danser le robot. Bonne complicité, c'est ça, danser le robot ensemble. Tu vois, ça valait la peine. Ça valait beau à voir. Donc, prochaine affaire pour la semaine prochaine. La semaine prochaine, ça va être mardi prochain à 8h. Mais il va y avoir le carnaval qui s'en vient bientôt, il faut le dire. C'est quand, ça, le carnaval? C'est la dernière semaine de janvier, 24 au 20. 26? Ouais. 24 au 26? Il y a le 26? Ou le 26, c'est l'activité de C'est fou, juste. Mais tu vas nous en parler, en tout cas. Ben oui, c'est sûr. C'est sûr que je vais vous revenir avec ça. On a un happening patriote dans tout ça. Puis, ça va être une très grosse semaine, comme d'habitude. Puis, la semaine prochaine, on pourrait parler de la Coupe des Assos. Vous expliquez, en fait, c'est quoi? On voit le logo partout. Comment ça fonctionne? Ouais. C'est un gros carnaval à l'année. Mais je pourrais vous expliquer plus comment... Avec les assos en tête. On se garde des sujets pour les prochaines chroniques. Hey, merci. Ça va être intéressant. Merci. Ben oui, Anne-Julie Durocher. Oui. Mardi prochain, 8h. Oui. Yeah. Ton petit fond. Hey, son intro, ça serait... Tu sais, je pourrais faire un rap là-dessus. Ouais, ben oui, tout à fait. Ben, c'est pour ça, moi, je prends des musiques instrumentales et on rajoute des paroles par-dessus après. Okay. Ça se fait. La semaine prochaine. Ben oui. J'ai hâte d'entendre ça. Pas sûrement. Bon, donc pour l'instant, vous êtes toujours à Assemblage Requis, évidemment. La prochaine chroniqueuse, ça va être à 8h30. Marie-Pierre Laforge-Bourré qui va venir nous parler d'un livre, comme toujours. Hein, c'est son sujet. Chacun son domaine. Exactement. Oui. Pour l'instant, on va entendre du monogrenade. François-Olivier. Et la pièce, hein? Mathieu? Tu veux que je te joue une pièce? Vas-y, je peux pas juste mettre le CD dans le lecteur, c'est pas assez pour toi, c'est ça? Non, c'est pas assez. OK. Voici Immobile 89.1 FM. Si bien les choses, je veux. d'un seul bouclier. Alarmés par les bruits d'épée, il se défend, mais c'est en vain. Il n'a pas de pouvoir divin. J'ai connu cet homme, mon grand rêve. Je dois maintenant prendre sa relève. C'est un homme avec un secret, celui qu'on écrit à la craie. Armé d'un rêve. Chevalier, c'est sûrement sa dernière bataille. C'est certain, il n'est pas de taille. J'ai connu cet homme, mon grand rêve. Je dois maintenant prendre sa relève. Mort avec son secret hier soir, et sacré envolé en poussière noire. Armé d'un rêve. Vraiment pas de quoi être un méfiant. Mais ils étaient bien trop nombreux à vouloir le secret du vieux. Personne n'a simplement pensé à tout se partager. Personne n'a découvert qu'en vrai c'était son seul secret. La formation DAS et la pièce armée sur le palmarès francophone de C'est fou. Vous êtes à Assemblage Requis. C'est rempli d'instruments de musique. C'est bon? Donc oui, Assemblage Requis. Précédemment dans l'émission, on pourrait faire un genre de flashback résumé des épisodes précédents. Avant la chronique d'Anne-Julie de la GEQTR, on était avec Stéphanie Gagné, oui. Et ton plat favori. Et donc, on continue tout le temps à ça, ton plat favori avec... attention, hein? C'est-tu là? C'est ici? Ah oui! Donc, pour aller avec le plat favori de Stéphanie, on a les crudités de François-Olivier Marchand. Oui, exactement. Écoute, Mathieu, je fais ça rapidement cette semaine. On sait qu'on n'a pas beaucoup de temps. Je te parle d'un vernissage de photos qui a eu lieu hier du côté du Grand Brunus. Okay. Et c'est le photographe Pascal Proulx qu'on sait, en fait, qui avait animé avec moi là, dans le temps. Là, c'est les Pétous de Brou, l'alternative? Ouais, les deux. Les deux, hein? Ouais. Ben, l'alternative, il était là vers la fin. Puis, OK, ben, c'est pour ça que j'ai raté ça, ouais. Et puis, voilà, en fait, ça avait lieu hier. Et puis, c'est de très belles photos. Vous pouvez d'ailleurs aller le voir, là. Et puis, ça vaut vraiment la peine. Là. Ça ça vaut vraiment, vraiment la peine. D'ailleurs, Pascal Proulx s'occupe aussi du concours de photos givrées. Ça a l'air bien, ça. Pour les nuits polaires. Donc, vous pouvez d'ailleurs envoyer des photos, professionnelles ou pas, là. Hein? Vraiment, là, tout le monde peut envoyer des photos. C'est sûr que le but principal, c'est que le thème hivernal, là, que ce soit l'hiver. Donc, Et il y a 5 prix à gagner. Ouais, c'est ça. Et le premier prix, c'est une nuit à l'hôtel de glace de Québec. Ah, ça, je pense que tout le monde rêve d'aller passer une nuit. T'aimerais ça? Moi, j'aimerais vraiment ça. C'est vraiment cool. Ouais. Ben, t'es loin de ton divan, là? Oui, il y a sûrement du vent de glace. Ouais, pas chaud, là. Non, c'est ça, c'est pas chaud, mais pas chaud, ça, juste pour voir, même pas passer la nuit, visiter, ça serait bien. Ouais, architecturalement. Ouais. Ça doit être super beau. Ça doit être beau. Mm. Voilà. Merci, François. Hey! Plaisir, mon gars. Oh, yeah. Pour aller avec les crudités aussi, il y a mon dessert délicieux de Mathieu et je suis aucunement original encore une fois en prenant encore une fois une chanson dans une publicité, encore. D'accord, et une pièce encore que vous êtes déjà tous tannés d'entendre sûrement, probablement, mais le reste de la chanson est très, très bon. Ouais, c'est bon, le reste. C'est la pub de Belle, tu sais, pour leur Belle Fib. Ouais, ben j'ai vu la pub, on dirait que la chanson. C'est un petit beat, on n'entend pas beaucoup, pas très longtemps, mais quand même, c'est un petit 30 secondes qu'on entend dans la pub. J'ai envie de vous faire entendre la pièce au complet parce que vraiment, elle est excellente. C'est Rikes Up. Voici Happy Hop Up Here. Ah oui, oui, oui. La voici. Assemblage Rocky dans ton plat favori. Rikes Up et Happy Up Here dans la chronique ton père favori de Stéphanie Gagné. On prend une petite pause et puis on vient avec. On va pas envoyer la musique. Change d'une de même. On va en musique avec JP Dalpé. Mauvais track. Ben ouais. Ben ok. À l'instant, sur C'est Fou, 89.5. Changer d'idée, passer d'une pub à une musique. Bonne décision. Puis après ça, Marie-Fière. Marie-Fière. Est-ce que tu changes dans le top des prénoms. Hein? Non, je vais garder celui-là. Mais Marie-Fière comme prénom. Hein? Marie-Fière. Ouais. Marie-Fière. Marie-Hier comme Marie-Demain, mettons. Moi, j'aime bien vieux nom. Jean-Mathieu. Depuis le temps que j'ai pas, ferme les yeux, prêt, on y va. selon les règles de l'art. J'ai bien peur qu'ils ne mènent plus nulle part. Courtiser le ciel sans avoir un rond, les rêves en étoiles criblés de plomb. Sur la mauvaise traque, deux fous qui craquent, deux fous qui craquent. Passage et clandestin pour le haut d'un petit destin. Le vent vire de bord, deux fous qui craquent, deux fous qui craquent. On s'enfuira sans remords par la route du Nord. S'il faut que l'argent nous liquide, je suis Buffalo Bill, Billy le Kid, on est Bonnie and Clyde. Pas besoin de quelqu'un qui connaît quelqu'un d'autre, qui paraît qui pourrait à nos frais. Quelqu'un hypothétiquement disposé à en discuter. Sur la mauvaise traque, deux fous qui craquent, deux fous qui craquent. Passage et clandestin pour le haut d'un petit destin. Le vent vire de bord, deux fous qui craquent, deux fous qui craquent. On s'enfuira sans remords par la route du Nord. Construite à partir de matériaux de qualité, Assemblage requis se poursuit jusqu'à 9 heures. Hey, du Galaxy, ça faisait longtemps que je n'avais pas entendu, moi. Surtout la piste 1. Eh oui. C'est-tu pas beau? Piste 1, on l'a-tu fait jouer cette chanson-là? Es-tu bagnien quand même? On l'a fait jouer beaucoup. Oui, exactement. On l'a fait jouer. Vous êtes à Assemblage Requis, l'émission matinale en pièces détachées. C'est vrai. Tout à l'heure, on va recevoir Marie-Pierre Laforge-Bourret. Ça vient dans quelques secondes, minutes, là, avec sa chronique littéraire. Je sais. Et moi, je sais qu'elle est contente, elle va être contente d'entendre tout à l'heure, qu'il n'y a plus de clochette dans son intro. Oh! Oh! Hein? Ça, ça commence bien une nouvelle année. Ça commence du bon pied. J'ai appris la résolution de refaire les intros des chroniqueurs, tu savais ça? Avec leur petite demande. Demande spéciale, c'est ça. Il y en avait qui voulaient changer de chanson, changer de fond. Non. Donc, c'est fait. Et tout le monde va être content. Je l'espère bien. Donc, est-ce qu'on est prêts? Oui! OK! Yeah! Donc, voici à l'instant même... Attention, comme c'est ici, petite manipulation, la chronique littéraire de Marie-Pierre. Ah! T'es pas caché à quelque part, les clochettes, juste pour... Non? Donc, elles sont disparues, là? Elles sont disparues, elles ne sont plus là. Marie-Pierre Laforge-Bourret, à toutes les deux semaines avec ta chronique littéraire. Oui, bonjour. De retour pour toute la session, bonjour. Oui. Bonjour. Heureux d'entendre que tu vas être avec nous encore une fois cette session-ci. Mais moi aussi. Parce que malheureusement, on rappelle à ceux qui n'étaient pas là à la fin de la session d'automne, mais tu nous quittes au Palmar assez fou, en tout cas à l'animation régulière. Je viendrai faire des petits tours une fois de temps en temps. T'as un coup? Non, j'ai des obligations. Oh, voilà. Ouais. C'est pareil. Dans même le domaine, chose. Quand on dit ça, ça veut dire je donne pas d'explication en nombre, mais j'ai des affaires. Donc, c'est ça, tu vas donc plus animer les Palmarès, c'est fou, mais tu vas être quand même avec nous à l'Assemblage Requis, on l'apprécie. Donc aujourd'hui, tu nous parles d'un classique là, très, très, très, très, très vieux. J'ai lu milieu des années 1800. Là. Oui, en fait, c'est Madame Bovary de l'auteur Gustave Flaubert et c'est paru en 1856. Je vais faire un tout petit portrait de Flaubert, très, très court. Il est né en 1821 à Rouen. Il a commencé sa carrière en 1836 et donc 20 ans avant qu'il publie Madame Bovary. Il a publié également L'éducation sentimentale et un roman historique, Salammbô. Donc, comme je l'ai dit, Madame Bovary, c'est son premier grand succès. Il a été rédigé pendant 5 ans. Donc, tantôt, vous allez voir... Oui, ça lui a pris 5 ans, donc c'est pas rien. Et vous allez voir dans le style, tantôt, je vais vous lire des extraits, vous allez comprendre pourquoi ça lui a pris 5 ans. Là. C'est pas pour rien que ça lui a pris 5 ans. Et ce livre-là, on lui a fait un procès. Parce que, bon, à l'époque, il arrivait souvent que le clergé ou la société soit pas d'accord avec ce qui se publiait. Et on lui a fait un procès pour offense à la morale publique et à la morale religieuse. Mais il a été acquitté, mais le procès a fait du bruit. Et c'est pour ça que Madame Bovary est devenue un succès immédiat. Donc, ce qui arrive pas toujours à l'époque, parce que ses autres romans, il y a eu des échecs, il y a eu une réception mitigée. Donc, c'est pas mal un de ses plus gros succès avec Salammbô. Ce roman-là, qui est écrit en 3 parties, qui est... Bon, mon édition, c'est environ 300 pages. C'est un bon gros roman, là. Mais c'est un classique. On dit de lui que c'est un chef-d'œuvre de réalisme, d'ironie et de la médiocrité. De la médiocrité? Oui, attendez, vous allez comprendre. Positif, ben, ça. Vous allez comprendre pourquoi. Pour l'histoire, en gros, ça se déroule en province française au 19e siècle. Donc, la province, par là, donc, en dehors des grandes villes, plutôt dans les petits villages. C'est l'histoire de Charles Bovary, qui est un jeune homme que sa mère veut voir devenir médecin. Donc, elle le pousse à devenir médecin. Elle veut la plus belle vie pour lui et il devient médecin. Et sa mère le marie à une veuve de 40 ans qui décède pas longtemps après. Mais devenu médecin, il se promène d'endroit en endroit pour soigner les gens et il se retrouve à soigner un homme qui a un fermier, là, un vrai fermier. Un vrai, un farmer. Oui, et sa fille à ce fermier-là, Emma, il se trouve avoir le béguin pour elle et décide de la marier. Donc Emma devient Emma Bovary, Madame Bovary, d'où le titre du livre. Et c'est à partir du mariage qu'on se met à adopter le point de vue d'Emma Bovary, qui, toute énervée à l'idée de se marier, se retrouve mariée, mais pas plus heureuse. Parce que Emma Bovary fait partie de la génération de personnes qui ont eu droit à une éducation. Donc, c'était pas seulement les classes plus élevées, mais à cette époque-là, même la classe moyenne pouvait être éduquée. Donc, elle s'est retrouvée au couvent et s'est mise à lire des romans d'amourette, des romantiques... Donc, les romantiques comme dans Charles Baudelaire... Il se marie et eurent beaucoup d'enfants... Non. c'est plutôt parce que oui, on peut penser qu'elle a lu ce genre de roman-là. Oui, elle semble en avoir lu, mais elle a lu les grands classiques des romantiques du 19e siècle. Donc, Mal de vivre, les sentiments, les penchements des passions, la nature. Donc, tout ça, c'est pas le romantisme comme on le pense. Ah, les belles histoires d'amour. C'est plutôt les amours déçus, le romantisme, okay. Puis la peine, puis on aime ça. Bon. Et Emma Bovary s'est retrouvée à lire ça. Donc, elle s'attend à vivre ça dans la vraie vie avec son mari, avec des hommes, mais elle se rend compte qu'il y a un décalage entre ce qui est dans les livres et ce qui se trouve dans la réalité. Donc, on voit, elle vit de déception en déception, elle voudrait tellement, elle vit de rêve. Donc, elle s'installe dans sa chambre toute seule, puis elle rêve à ce qui s'est produit. À un moment donné, ils vont à une fête organisée par un homme bien placé. Et là-bas, bon, toute bien habillée, elle danse avec le marquis. Et là, bon, chamboulée pour des mois. Et comme ça se reproduit pas, elle tombe pratiquement malade. Donc, c'est tout le temps penser que la réalité, c'est d'avoir un amant qui va dire les mots les plus doux de la planète. Ouais. Un amour enflammé, tu sais. Elle, c'est de ça qu'elle rêve. Un Mathieu Plante. Non, mais c'est de ça qu'elle rêve. C'est de ça qu'elle rêve. Puis elle rêve d'un Mathieu Plante. Non, elle rêve d'amourettes. De grands amours passionnés, enflammés, etc. Et ça n'arrive pas vraiment. Ou elle est toujours déçue. Et même, à un moment donné, elle se fait un amant et elle est déçue quand même. Donc, c'est jamais... François-Olivier Marchand. Ouais. Vous n'êtes pas gentils, les garçons, ce matin. On s'agace, c'est ça. Mais c'est ça, fait que c'est de déception en déception. C'est pour ça qu'on dit que c'est un roman de la médiocrité, parce que même si elle vit des grandes choses, ou du moins ce qu'elle pense être une grande chose, elle n'arrive jamais à être heureuse. Donc c'est pour ça que c'est un roman de la médiocrité. C'est pas pour rien. Aussi, on a décrit ce livre-là comme étant un chef-d'œuvre du réalisme. Donc c'est une des premières, tu sais, dans les chefs de file du réalisme. Il veut pas qu'on lui appose ce nom-là, parce que c'est pas lui qui a décidé qu'il allait être le chef de file, c'est d'autres auteurs qui ont suivi, entre autres Maupassant, il nommait Zola, qui l'ont comme appelé chef de file du réalisme, mais lui ne se considère pas chef de file du réalisme. Donc le réalisme, les descriptions de la vie à l'époque, très poussées, et ça on le retrouve dans le livre, parce que à plusieurs reprises, il décrit la vie au village, donc on assiste à ce qui se passe dans la vie d'un pharmacien, ce qui se passe dans la vie du médecin qui travaille, qui va à cheval pour aller soigner les malades un peu partout. Donc, la vie qui peut être un peu rude, mais également aussi la vie des femmes, parce qu'à l'époque, les femmes, ils travaillent pas comme aujourd'hui. Moins de passe-temps, tu sais. Puis on le voit, ça. Pas de passe-temps. En fait. Mais c'est ça, c'est de s'occuper des enfants. Et Emma Bovary n'a qu'une seule fille, et la fille a une nounou. Donc, elle fait rien, elle se morfond, elle s'ennuie. Et ça, bon, c'était peut-être pas le cas de toutes les femmes... à l'époque. Ça manquait de Facebook à cette époque-là. Ça manquait de Facebook, ouais, ouais. On va le dire. Mais bon, Flaubert a dit par rapport au personnage de Madame Bovary que c'était probablement courant. Il a dit quelque chose comme « Ma pauvre Bovary, sans doute, souffre et pleure dans 20 villages de France à la fois, à cette heure même. » Donc, si... Pas sûr de comprendre, mais... En fait, ce qu'il dit par là, 20 Madame Bovary pleure dans plusieurs villages en France, c'est que c'est chose courante. Donc, ouais, il y a plusieurs Madame Bovary. Ouais, bon, c'est ça. Elle n'est pas toute seule là-dedans. Non, elle n'est pas toute seule. Elle n'est pas unique. Probablement que c'est dans plusieurs villages, parce qu'il ne se passe pas grand-chose dans les villages. Et bon, on le voit par le fait que Madame Bovary souhaite donc aller à Paris, puis vivre des grandes choses, puis voudrait aller dans la grande ville où sont les divertissements. Donc, on le voit à travers ça. Mais au-delà du réalisme, moi, j'ai constaté... Bon, ils mettent pas l'accent nécessairement sur ça dans les analyses ou quoi que ce soit, mais moi, je trouvais que ça touchait beaucoup, beaucoup au romantisme, parce que, bon, il y a des élans lyriques, Emma Bovary s'installe, lit, pense, réfléchit, est déçue, donc puis il y a une sorte de complaisance à travers tout ça, parce que elle se dit pas, bon, je vais arrêter de lire des livres, puis on va cesser ça là. Tu sais, c'est comme ce qui la sauve, mais en même temps, ce qui lui fait mal. Et ça, j'en ai un petit extrait pour vous. Attendez, je vais le trouver. Moi, je me suis même plus dans mes notes. Oui, voilà. Je vais vous lire mon extrait préféré. C'est plus tard dans le livre, là, mais je me gâte. Okay. Hein? C'est au moment où Madame Bovary se trouve un amant. Et bon, elle est allée faire une promenade en cheval avec l'homme qui a décidé de la séduire. Et elle se retrouve chez elle à la suite de ça. Et dès qu'elle fut débarrassée de Charles, elle monta s'enfermer dans sa chambre. D'abord, ce fut comme un étourdissement. Elle voyait les arbres, les chemins, les fossés, Rodolphe, et elle sentait encore l'étreinte de ses bras, tandis que le feuillage frémissait et que les joncs sifflaient. Mais, en s'apercevant dans la glace, elle se tenait de son visage. Jamais elle n'avait eu les yeux si grands, si noirs, ni d'une telle profondeur. Quelque chose de subtil et pendu sur sa personne la transfigurait. Elle se répétait « J'ai un amant !» se délectant à cette idée comme à celle d'une autre puberté qui lui serait survenue. Elle allait donc posséder enfin ses joies de l'amour, cette fièvre du bonheur dont elle avait désespéré. Elle entrait dans quelque chose de merveilleux où tout serait passion, extase, délire. Une immensité bleuâtre l'entourait, les sommets du sentiment étincelaient sous sa pensée, et l'existence ordinaire n'apparaissait qu'au loin, tout en bas, dans l'ombre, entre les intervalles de ses auteurs. Alors elle se rappela les héroïnes des livres qu'elle avait lus, et la légion lyrique de ces femmes adultères se mit à chanter dans sa mémoire avec des voix de sœurs qui la charmaient. Elle devenait elle-même comme une partie véritable de ses imaginations et réalisait la longue rêverie de sa jeunesse en se considérant dans ce type d'amoureuse qu'elle avait tant enviée. Donc, vous voyez, c'est très... elle a fait la promenade, elle revient chez elle, puis elle y repense, elle y repense pendant des jours, des mois. Donc, c'est toujours autour de ça, et c'est ça qui la rend si malheureuse, en fait. Ils ont trouvé une belle Madame Bovary pour la couverture Larousse, je trouve. Ben oui, la couverture Larousse, bon, c'est une Madame Bovary en robe. J'imagine que c'est quand elle s'en va au bal du marquis, là, toute bien... Non. T'es supposé t'imaginer un personnage, mais là, tu peux pas t'imaginer autre chose que ce qu'il y a sa couverture. Oui. Mais bon. Mais en fait, on l'oublie un peu quand on lit. Ouais, j'imagine. Ouais. OK. Donc... Mathieu l'oubliera pas, c'est ça. Mathieu l'oubliera pas. Ben, tant mieux pour toi, ouais, Mathieu. Ça, ouais. Tu vas pouvoir t'asseoir chez toi ce soir puis rêver pas à la Madame Bovary. Ça, oui, ça va. Voilà. Il va taper ça sur Google. Et donc, c'est un roman, Madame Bovary, qui allie autant réalisme que romantisme, selon moi. Puis bon, tantôt, je vous ai dit qu'on lui avait fait un procès pour délit d'outrage. Ouais, qu'est-ce qu'il y a là-dedans de si pire que ça? Oui, en fait, attends, je vais vous lire la sentence. C'est sorti en quelle année, ça, tu disais? C'est en 1856. OK, ouais, quand même. Oui, mais c'était courant à l'époque. Très courant. Et on lui a fait un procès pour délit d'outrage à la morale publique et religieuse et aux bonnes mœurs. Pour ce qui est de la religion, je peux absolument comprendre parce que, à quelques reprises dans le livre... On assiste à des critiques de la religion ou une sorte d'impiété, donc un personnage qui ne croit pas en Dieu. Et ça, c'est présent chez le pharmacien, qui est comme un peu un nouveau... pas une vedette du village, là, mais un peu... tout le monde le respecte, ouais. Il est un peu hautain. Il semble savoir ce qu'il fait, alors que c'est peut-être pas réellement vrai. Mmh. Et à un certain moment donné, il fait une critique assez... c'est ça, assez direct, de la religion. Je vais vous lire un petit passage, vous allez tout comprendre. C'est vraiment ce passage-là qui a le choqué. Je sais pas, parce que, mon Dieu, j'ai pas retracé partout, c'est un long livre, mais ce passage-là m'a un peu sauté aux âges, okay. Donc c'est pour ça que je l'ai choisi. Ça doit en faire partie. Ouais. Attendez, oui, OK, il y a un personnage qui lui dit « Taisez-vous donc, Monsieur Homais, le pharmacien, vous êtes un impie, vous n'avez pas de religion. » Le pharmacien répondit « J'ai une religion. Ma religion... Et même, j'en ai plus qu'eux tous, avec leurs moqueries et leurs jongleries. J'adore Dieu, au contraire. Je crois en l'être suprême, un créateur, quel qu'il soit, peu m'importe, qui nous a placés ici-bas pour y remplir nos devoirs de citoyens et de pères de famille. Mais je n'ai pas besoin d'aller dans une église, baiser des plats d'argent et engraisser de ma poche un tas de farceurs qui se nourrissent mieux que nous. Car on peut l'honorer aussi bien dans un bois, dans un champ, ou même en contemplant la voûte éthérée, comme les anciens. Mon Dieu à moi, c'est le Dieu de Socrate, de Franklin, de Voltaire et de Béranger. Je suis pour la profession foi du vicaire savoyard et les immortels principes de 89. Aussi, je n'admets pas un bonhomme de bon Dieu qui se promène dans son parterre, la canne à la main, loge ses amis dans le ventre des baleines, meurt en poussant un cri et ressuscite au bout de 3 jours. Chose absurde en elle-même et complètement opposée, d'ailleurs, à toutes les lois de la physique. Ce qui nous démontre, en passant, que les prêtres ont toujours croupi dans une ignorance turpide où ils s'efforcent d'engloutir avec eux les populations. Donc, bravo. Assez direct et assez... Oui. Super, ça. Il passe pas par deux chemins. Non, hein? Ben non, j'aime ça. Il dit ça directement. Et aussi, comme je l'ai dit tantôt, on lui a fait procès pour une mauvaise mœurs, pour outrage aux mœurs. Et ce qu'on veut dire par là, en fait, c'est que Emma Bovary a des idées de... Bon, elle trompe son mari et elle s'en veut pas et l'auteur lui-même la punit pas pour ça. Donc, c'est un peu comme si... Bon, donc, Emma Bovary pense à ça et c'est correct. C'est correct. Oui. Donc, ça en faisait partie aussi lors de l'espèce de mise en accusation. Ah oui, il l'accusait parce qu'il punissait pas Emma Bovary. Il était comme si Flaubert était entièrement d'accord avec ce qu'elle faisait. Là. Bon, tu sais, on la laisse aller. Il y mais avait pas. C'est une histoire, tu sais, à un moment donné. Oui, mais à l'époque, bon, le clergé voulait avoir. L'emprise sur la population, comme il disait exactement dans la citation. Oui, comme il disait exactement dans la citation. Et le fait que Flaubert critique ça, et le fait qu'il montre une femme trompant son mari, puis qui, bon, ça lui dérange pas, c'est pour ça qu'on l'a mis en procès. Mais bon, il a été acquitté. On l'a pas censuré. Il a été très chanceux. On l'a pas dilapidé. Non, on l'a pas dilapidé, mais quel chanceux. Ouais. Et bon, c'est ce qui mène la semaine prochaine. Dans deux semaines, j'ai décidé que j'allais vous parler de censure parce que, bon, Madame Bovary n'a pas été censurée, mais il y a beaucoup d'œuvres qui ont été censurées. Puis je pense, dans deux semaines, je vais vous parler peut-être un peu de quelques œuvres qui ont été censurées ou peut-être au niveau québécois. Tu veux lire des passages aussi? Peut-être? Ah, peut-être. Non, non, mais c'est jamais. C'est pas pour ça que c'est censuré. Non, mais je vais faire peut-être un petit portrait de ce qui peut être censuré, pourquoi. Okay. Ouais, ça va tourner autour de ça. Fantastique. Dans deux semaines. Oui. Et bon, je vous propose, comme je l'ai dit, Madame Bovary de Flaubert. Et bon, une petite mise en garde, il se passe rien dans le roman, OK? Bon, ça donne vraiment envie, non, ça. Non, t'aurais pas non, dû dire ça. Ouais, c'était correct jusque-là. Mais c'est ce qui est drôle parce que ça montre le réalisme de la campagne. Donc, à la campagne, qu'est-ce qui se passe? Il se passe rien. Donc, ça va vraiment avec ça. Fait qu'au début, c'est peut-être un petit peu lourd, mais laissez-vous pas avoir par les premières pages, tu sais. Okay. Au bout de 50 pages, là, ça y va, là. Mais il faut y laisser ça y va, une mais chance. Il se passe rien. Oui, parce que c'est une habitude à prendre. Bon, c'est pas... Comme je l'ai lu, les passages tantôt sont difficiles à lire parce qu'il y a beaucoup de ponctuation un peu partout, des points-virgules, des virgules, des très longues phrases, mais sur un style qui est très... c'est des mots qu'on ne voit pas tous les jours. Et au début, bon, c'est rebutant, je vais vous l'avouer. Moi, ça m'a rebuté, mais quand on se laisse embarquer dans le livre, ça va très bien. D'accord. Oui, Madame Bovary de Flo. Ouais, Tiguidou, il n'y aura pas de mots comme ça dans le livre, je pense. Ah oui, à la page. Juste pour François, ça a été rajouté dans l'édition numéro 192. Je te passerai le mien, je vais l'écrire à quelque part. Parfait. Marie-Pierre Laforge-Bourret, merci beaucoup. Dans deux semaines. Ça fait plaisir. Mardi à 8h30, comme toujours. Nous, on s'écoute une dernière petite pièce avant de se quitter. François, on va entendre une pièce de... est-ce qu'on a de la place encore pour de l'anglo? Oui, ça va. Pas vraiment. Oh, franco, je pourrais me demander ces questions-là. Allez, Mathieu, force-toi, francophone. Ah, Colin, francophone. J'ai envie d'entendre du Malajub encore. Malajub. Non, c'est vrai. C'était quand on a du francophone à faire jouer, sautons sur le Malajub. Bien d'accord. Ouais, on va aller entendre l'extrait sans su, pourquoi pas, Assemblage requis. Puis on se retrouve pour la conclusion de l'émission dans quelques minutes. Restez avec nous. Oui. Majub et Sansu sur l'album La Caverne à Assemblage Requis. C'est la fin de l'émission pour aujourd'hui, François-Olivier. Déjà. Déjà. Pour le 10 janvier 2012. Oui, on va se retrouver demain, mercredi 11 janvier. Là, c'est le 11-1-12, là. Hein? Fait qu'on pourra pas... Hein, c'est comme les 1 puis les 2. Ouhouhou. On crée des événements. Donc, ça va être demain, entre 7h et 9h. On va avoir Jasmine Raymond-Dréville à 7h30 pour sa chronique linguistique. Ensuite, oui. À 8h... Myriam Fugère, mm-hmm. Avec sa chronique aléatoire. Et en fin d'émission... Et en fin d'émission, Myriam Fugère. C'est ça, c'est tout? Pas Yann Martel? Ah oui, Yann Martel. Oui, je sais pas. En fait, moi, j'ai pas de nouvelles. OK. Pas de nouvelles. Bon. Peut-être. Peut-être. On verra. Donc, c'est l'émission de demain entre 7h et 9h. Soyez à l'écoute. Et puis, restez sur nos ondes pour le dîner de con à partir de 11h avec Danny Janvier. Et puis, un paquet d'autres choses sûrement jusqu'à réanimation à 19h pour du métal et de l'horreur. Allez voir le cifou.ca et passez donc par assemblagerequis.com pour les notes de l'émission et les balado-diffusions. On remercie évidemment Stéphanie Gagné. On remercie Anne-Julie Durocher, Marie-Pierre Laforge-Bourret. Merci beaucoup. François-Olivier Marchand. Naturellement. Je pense que je vais pas allumer son micro. Dis salut. Salut. Achalé. C'est Madame Bouvary, ça? Ah! Yes. Imite Madame Bouvary. Bouvary. Salut. Salut, Mathieu! Oh. Wow! Mathieu aimerait beaucoup trop ça. Ouais, ben c'est ça. C'est ça. Donc, François-Olivier Marchand, à demain. Mathieu Plante, à demain. On se quitte avec André et ta main forte. Bye bye. Mon corps, je mange toutes les couleurs et je crie.